Marco Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le 1er mai est une journée du travail des travailleurs, une journée de célébration et de revendication à l'image des enseignants de l'Université du Burundi qui disent n'avoir pas été pris en compte dans la nouvelle politique salariale. Vous l'entendrez, et le numéro 1 burundais le reconnaît, Evariste Ndayishimiye assure que les corrections qui s'imposent sont en cours en vue de les rétablir dans leurs droits, tout comme les autres travailleurs relevant des institutions à statut spéciaux. Et les réactions continuent de tomber après l'agression d'un confrère de Radio Bonesha FM par des étudiants au campus Mutanga. Les présidents des partis CDP et UPRONA rappellent respectivement que la jeunesse devrait avoir un minimum d'humanité et que l'Université du Burundi devrait garder son statut de lumière du Burundi et de grenier du savoir. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains fonctionnaires, agriculteurs et entrepreneurs privés de Kirundo trouvent que la Journée internationale du travail et des travailleurs intervient dans un contexte marqué par une pauvreté grandissante, alimentée par la flambée persistante des prix sur le marché. Face à cette situation, les agriculteurs appellent le gouvernement à stabiliser les prix. De leur côté, les fonctionnaires plaident pour une révision salariale tenant compte du coût de la vie. Abraham Safari. À l'occasion de la Journée internationale du travail des travailleurs, la population de la province de Kirundo s'est réunie en masse pour célébrer cette journée dédiée aux travailleurs, malgré un contexte socio-économique difficile, marqué par une pauvreté grandissante. Alors que la fête a été honorée par la présence remarquée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Sabine Nhakarutimana, les habitants de la province de Kirundo ont profité de l'occasion pour exprimer leurs préoccupations face à la flambée continue des prix sur le marché. Nombreux sont ceux qui dénoncent c'est une situation devenue insoutenable. Nous n'arrivons plus à nourrir nos familles correctement. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter alors que nos revenus stagnent, déplore un habitant du centre urbain de Kirundo. Une indignation particulière se fait sentir autour du prix du kilo de viande qui atteint ici à 30 000 francs contre 25 à 27 000 francs dans d'autres provinces du pays. Une disparité jugée incompréhensible par la population locale. Les agriculteurs, quant à eux, tirent la sonnette d'alarme sur les coûts élevés des intrants agricoles. Ils plaident pour la subvention des engrais chimiques afin d'augmenter la production et faire face à la demande croissante. Sans soutien du gouvernement, nous ne pouvons pas produire assez pour nourrir nos familles, encore moins pour le marché, explique un agriculteur de la région. De leur côté, les fonctionnaires appellent à une révision des salaires. Ils demandent que l'État tienne compte de l'inflation et de la situation actuelle du marché pour ajuster les rémunérations à un niveau décent. Malgré toutes ces préoccupations, la fête du travail a connu une participation massive à Kirundo. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham. C'est toujours dans son contexte de célébration de la fête du travail et des travailleurs, ce 1er mai, que les enseignants de l'Université du Burundi regrettent de ne pas bénéficier de certains avantages comme les autres fonctionnaires de l'État. Le président du syndicat des travailleurs de l'Université du Burundi regrette que ces enseignants n'aient pas été pris en compte, notamment dans la nouvelle politique salariale. Désiré Nisubire estime par ailleurs que les bas salaires expliquent la fuite des cerveaux de cette institution vers les universités étrangères. Il appelle toutes les parties concernées par la question de lui trouver des solutions durables. On l'écoute. Nous avons des problèmes d'ordre salarial qui généralement concernent la nouvelle politique salariale. Jusqu'à présent, les travailleurs de l'Université du Burundi, les enseignants, n'ont pas été généralement régularisés compte tenu de la nouvelle politique salariale. Et le problème, c'est que maintenant, on a arrêté le fonctionnement des statuts. Nous ne sommes pas à l'intérieur de la nouvelle politique salariale. Donc, on ne sait même pas là où on est avec la notion de salaire à l'Université du Burundi. Donc, je crois qu'il faut que normalement le travail puisse terminer. Le travail, généralement, concernant la nouvelle politique salariale, il faut qu'on aligne tous les travailleurs de l'État à la nouvelle politique salariale. C'est ce que nous attendons. Le deuxième problème que nous avons, c'est un problème, généralement, qui est lié au fonctionnement de l'Université du Burundi. Vous voyez, vous allez remarquer que généralement le niveau des étudiants a baissé. Justement, à cause de quoi ? À cause de cette situation salariale, il y a des enseignants qui partent pour l'étranger, pour enseigner à l'étranger. Ce qui fait que généralement, il y a généralement une carence des enseignants. Il faut souligner aussi que le niveau de vie des étudiants n'est pas n'est pas bonne. Compte tenu de l'orientation de la nouvelle politique salariale, nous demandons à ce que le gouvernement aligne tout le monde à la nouvelle politique salariale. On demande à ce qu'il y ait les états généraux de l'Université du Burundi. Le problème est que les gens vont parler au nom de l'Université du Burundi alors qu'ils ne sont pas de l'Université du Burundi, abordent mal les problèmes et trouvent de mauvaises solutions. À ce sujet, dans son message délivré à la Nation pour la fête du travail et des travailleurs, le chef de l'État reconnaît que les travailleurs relevant des institutions à statut spécial ont été oubliés dans cette politique salariale. Évariste Ndayishimiye déclare que les corrections qui s'imposent sont en cours en vue de les rétablir dans leurs droits. Concernant les fonctionnaires, le gouvernement s'était engagé à mettre en place la politique d'ajustement salarial. Laisse-moi l'appeler prime, car le fonctionnaire n'est pas un ouvrier. Cette tâche est en cours d'exécution, même si nous remarquons une catégorie oubliée du fait qu'il travaille dans les institutions à statut spécial. Qu'ils soient eux aussi rassurés. La cause en est que parmi nos messagers, il y avait ceux qui ne parvenaient pas à différencier les activités liées au poste technique et celles des cadres nommés. En principe, ce sont les postes techniques qui acquièrent des salaires, tandis que les cadres nommés perçoivent des primes seulement. Je tiens à insister pour que nous ayons de la même compréhension. Un cadre est nommé en provenance d'un poste technique et est réaffecté dans son poste de départ à la fin de ses fonctions. C'est son poste technique qu'il faut considérer lors de l'application de la politique salariale, car on avance de grade dans ce cas. En ce moment, les responsables sont en train d'analyser ces postes techniques des institutions à statut spécial en vue de rétablir les concernés dans leurs droits. Le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui déplore également le fait que l'on constate encore que certains employeurs ignorent sciemment l'importance des organes de défense des droits des travailleurs. Évariste Ndayishimiye recommande aux employeurs de leur donner la place qui leur revient dans l'entreprise ou dans l'institution. On l'écoute dans cette traduction de Clovis Niyonkuru. Namwe bakoresha twarumvise ko hari muri mwebwe abarenganya abakozi. Nous avons entendu que certains employeurs abusent de leur autorité en violant les droits de leurs employés. Il y en a qui ne font pas adhérer leurs employés à l'INSS, d'autres ne souscrivent pas à une assurance maladie en faveur de leurs employés. Des fois, certains salariés sont abusivement chassés du travail. Nous avons aussi eu vent des irrégularités dans certains règlements privant des femmes en congé de maternité de la moitié de leur salaire. Nous saluons les autorités habilitées qui ne se sont pas précipitées à mettre en application ce genre de disposition. Nous leur demandons de corriger toutes ces irrégularités. Jusqu'à présent, il y a des employeurs qui n'accordent pas d'importance aux organes qui militent pour les droits de travailler au sein des entreprises ou institutions. Je leur donne l'injonction formelle de se pencher sur cette question parce qu'un employé n'est pas un esclave. Que chacun remplisse correctement son cahier de charges pour recevoir ce qu'il mérite à travers le rendement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La jeunesse devrait avoir un minimum d'humanité, lance Anice Niyonkuru, président du parti CDP, suite à l'agression subie par notre confrère Willy Kwizera de la radio Bonesha FM au campus Mutanga. Il appelle les étudiants de l'Université du Burundi à se ressaisir pour ne pas entacher l'image de cette institution. Suivez-le. C'est un acte ignoble, c'est un acte condamnable. Condamnable politiquement, mais aussi condamnable juridiquement. L'Université du Burundi, surtout le campus Mutanga, a un mauvais précédent, un très mauvais précédent. Et voilà que je suis encore en vie. Et en juin, une année plus tard, en juin 95 ou 95, le 11 juin exactement, des étudiants ont été massacrés à l'Université du Burundi. Et avant cela, entre les deux, il y a eu au moins deux morts, dont un certain Bonlieu Floribert, que je connaissais, parce qu'il y a longtemps, il est décédé. Et voilà que maintenant, des journalistes sont agressés à l'intérieur du même campus. Ce campus a un mauvais nom, un très mauvais nom, c'est grave. Il faut que la jeunesse prenne la responsabilité de l'avenir. Et la responsabilité de l'avenir, c'est avoir un minimum de degrés de l'humanité, savoir la valeur d'un homme, parce que nous sommes différents. Et comme nous sommes différents, chacun a sa valeur. Chacun a des connaissances ou des talents personnels que l'autre n'a pas. Et je demande encore une fois aux étudiants du campus Mutanga de se ressaisir, de ne pas toujours donner un mauvais nom. Je demande aux étudiants, à la jeunesse étudiantine, de savoir distinguer les émotions personnelles et la valeur de l'être humain. Anissé Niyonguru, président du parti CDP, de son côté, le président du parti Uprona, réagit justement à cette agression du journaliste Willy Kwizera de Radio Bonesha FM par des étudiants du campus Mutanga. C'était ce lundi, en rappelant que l'Université du Burundi devrait garder son statut de lumière du Burundi et de grenier du savoir. On écoute Olivier Nkurunziza. Et cela montre qu'il y a la régression de l'éducation à l'Université du Burundi. L'Université du Burundi était supposée d'être effectivement la lumière de tous les Burundais, parce que c'est là où il y a des intellectuels qui, dans l'avenir, vont gouverner le pays. Alors si aujourd'hui ils utilisent la force, s'ils marmènent les gens, s'ils essaient de faire ce que nous avons entendu, en tout cas, cela montre qu'effectivement, aujourd'hui, le Burundi, l'éducation est en train de régresser. Mais aussi, moi, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'effectivement, à l'université, il y a ce genre de comportement qui nous entendons dans les collines, dans les zones et dans les communes, des jeunes qui utilisent la force, les jeunes qui intimident les gens. Et si cela, ça se reproduit, que ça revient à l'université du Burundi, vous voyez qu'effectivement, le Burundi est en danger, parce que ce jeune universitaire devrait être des personnes qui respectent la loi, des personnes qui protègent les droits de l'homme, devraient être exemplaires dans les quartiers, dans les collines. Si aujourd'hui ils se comportent comme des animaux, cela, vous voyez que ça présage de mauvaises images pour le pays. Ce que nous conseillons aux journalistes, c'est que chaque fois, il faut qu'ils respectent la loi, qu'ils travaillent d'une façon professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement, nous demandons aux instances habilitées de tout faire pour protéger les journalistes, surtout dans ces jours où nous approchons les élections. Il faut qu'effectivement, à chaque fois quand il y a ce genre de comportement, qu'il y ait l'investigation pour savoir quelles sont les personnes qui se sont mal comportées et pour qu'ils soient jugés, punis par la loi. Effectivement, premièrement par l'Université du Burundi, mais aussi par la loi burundaise. C'était Olivier Nkurunziza, président du parti Uprona. Le représentant de l'ONG internationale World Vision en province Gitega demande au gouverneur de cette province de sensibiliser les administrateurs sous son autorité sur la réhabilitation des ponts et routes afin de mettre fin aux fréquents cas d'embourbement de leurs camions transportant des vivres vers les écoles fondamentales dotées de cantines scolaires. World Vision collabore avec le Programme alimentaire mondial PAM dans son volet cantine scolaire. Et cette requête a été bien reçue par l'autorité provinciale puisque les matériaux locaux et la main-d'œuvre sont disponibles. Gérard Niwigira. Le représentant de l'ONG International World Vision en province Gitega dit que ça fait 2 semaines que cette ONG collabore avec le Programme alimentaire mondial PAM dans la restauration des élèves dans le cadre des cantines scolaires de la province Gitega. Du moins, World Vision intervenant dans le transport de vivres vers des écoles fondamentales bénéficiaires. Cependant, il précise que suite au mauvais état des routes et surtout des ponts, le transport de vivres devient très difficile. Du moment que les camions loués par World Vision ne parviennent pas tous à acheminer les vivres à destination. Il ajoute que des fois, ces camions sont embourbés et passent la nuit dans des endroits d'embourbement. Étant donné que ce sont des camions loués, une perte est énorme car les camions sont payés par jour alors qu'ils n'ont pas pu acheminer à temps les vivres. C'est pour cela qu'il demande au gouverneur de Gitega de collaborer avec les administrateurs communaux sous ses ordres afin de réhabiliter tous les ponts nombreuses routes. Le gouverneur de Gitega, Venama Nirambona, promet qu'en collaboration avec les administratifs communaux de sa province, des routes et ponts seront réhabilités. Du moment que de gros arbres pouvant être utilisés pour la réhabilitation des ponts sont disponibles sur presque toutes les collines, la main d'œuvre est gratuite étant la population. Vous saurez qu'en province de Gitega, l'OPAM offre le repas de midi à 168 000 élèves de 207 écoles fondamentales situées dans 8 communes sur 11 communes qui composent cette province. C'est au moment où ce mardi, le gouverneur de Gitega avait organisé en commune Itaba une réunion à l'intention des partenaires au développement de cette province pour étudier les modalités de mettre en place des jardins potagers dans toutes les écoles fondamentales dotées des cantines scolaires. Depuis Gitega, Gianni Bigila pour la radio Isangani. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana. Isanganiro.